sur le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, vers une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour guérir dans sa beauté plus de douceur, puis le jardin lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles dans les ensoleillés, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, l'île fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée. Chemine. Entendez-vous le guerre plein des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné